Il faut toujours que le mal nous guette, tout me fasse croire que j'ai rien à perdre. Ils disent que je fais pomper la boulette pour que le buzz arrive à terme. Il faut toujours qu'on échoue, qu'on se blesse. Jamais pris de ferme, donc on se plaint pas, j'ai qu'on adresse. Comme numéro d'écrou et qu'on me teste. Entre tendre la patte et montrer l'écrou. Je m'en aux constellations, le capitaine de ce jeu est trop grand. C'est ni l'heure ni l'endroit pour qu'on se taise. L'ambiance est propice au slogan violent. Mes têtes et prod au drapeau qui apaise. Après réflexion, c'est mieux à pied qu'en caisse. Ils tournent le regard vers le volant. Et qui le garde finira par se faire prendre en traître. Après réflexion, j'ai pas toujours eu le cœur en fait. Donc baisser le son reste l'option qu'on refuse de négocier. J't'entraîne dans mon rosé plein d'épines dont les pétales prennent le dessus. Que si d'amour et d'eau fraîche elles sont arrosées, j'm'en tirerai. On manque pas d'air ou qu'il suffit de ventiler. Qu'on aime pas l'herbe ou pas s'inspirer aux lueurs des lampadaires. J't'enluirai. Si j'avais le flow ou la gueule parfaite, j'm'en irais. Si pour le rap je n'étais pas faite, j't'ennuierais. Si j'avais le flow ou la gueule parfaite, j'm'en irais. Si pour le rap je n'étais pas faite, j't'ennuierais. Je m'en irai, je t'ennuierai, je m'en irai. Le temps se dépense, l'argent n'est qu'un concept. Et je lui donne le mien même quand je suis à perte. Pourquoi me parler bif, pourquoi parler affaires? Parlons d'elle et moi quand on survit aux averses. Des fois je l'aime et je pourrais crever pour elle. Des fois mes vers m'empêchent de rêver pour rien. Et quand je lui chante à l'oreille, je m'adresse au ciel pour faire sourire les étoiles. Veille sur moi, j'aime quand elle vous gêne. Et je la capte à l'heure, au studio, sur scène. En jog ou en tailleur, ensemble c'est pur. On se raconte nos galères. On crée nos propres outils pour bâtir une carrière. J'ai dû cavaler, cavaler à la recherche du hit. Alors que je m'emballais de leur stat et leur fric. Après tant d'années, j'ai capté la logique. Viens voir Naira hurler d'amour avec son public. Je t'ennuierai si on rentrait dans leur case. Et je m'en irai quand inondé sera le vase. Est arrivé dans ma vie comme un cheveu sur la soupe. Qui contre toute attente montre comment mieux savourer son goût. C'est pointé dans mes nuits, passant de mes rêves à mon lit. C'était le Tony pour lequel je partais sans hésiter à la Tony. Puis tout le reste, rien à foutre. L'amour ça rend canon et les yeux des amoureux beaucoup trop sensibles à la poudre. Quand tu sais que c'est la foudre, frappe un coup quand le câlin a fait qu'enfin tu l'avoues. Tu ne veux plus que ces bras là. Je veux pas vexer la foule, ni baisser les mains en l'air. Je te prends avec tes défauts, prends-moi avec vous, c'est à vous. On ne quittera pas la scène sans que le public est suivi. Comme on ne quitte pas l'amour de sa vie quand on galère à le trouver. Donc je t'ennuierai pas, je te frégolerai. Si c'est pas le cas je m'en irai. Tant que je me fais pas huer je parle. Je t'ennuierai peut-être, mais ce jour-là je m'en irai. Tant que je les entends pas crier je rappe. Je t'ennuierai. Si j'avais le flow ou la gueule parfaite je m'en irai. Si pour le rap je n'étais pas fait je t'ennuierai. Si on rentrait dans leur case je m'en irai. Quand tout le monde connaîtra mon plat.